Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une nouveauté Disney Pixar. Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans, toujours très enthousiaste et assez envahissant. Ce duo totalement imprévisible et improbable va vivre une aventure délirante qui les plongera dans un voyage dépassant l'imagination. Ils ont su, au fil du temps, vous offrir d'incroyables voyages, vous faire découvrir des univers, des lieux que vous ne connaissiez qu'en rêve. Disney Pixar vous embarquera dans sa nouvelle grande aventure avec Carl Fredericksen. Et il n'aura même pas besoin de quitter sa maison. Au revoir tout le monde! Vous irez explorer un monde perdu avec ces deux-là. Ah! Bonjour, monsieur Fredericksen. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Non! Là-haut, le nouveau délire Disney Pixar, disponible en DVD et Blu-ray.